Fermez les yeux et imaginez. La nuit est tombée. C'est ici que vous dormirez ce soir. La tente est montée, les hamacs sont tendus. Le feu est allumé. Un autre visage de la forêt apparaît. Les habitants du jour sont allés se coucher quand ceux de la nuit s'éveillent. Chaque son est plus présent. Le vent au loin, le bruissement des feuilles, le ululement du hibou. Le feu crépite et autour de lui vos compagnons de ce soir. Amis de toujours ou rencontres éphémères, le bivouac est un lieu propice aux confidences et aux histoires. Peut-être que l'un d'eux est musicien et que ses notes résonnent au creux de la nuit. Laissez-vous bercer par la lumière des flammes et la respiration de la nature qui vous entoure. Écoutez les récits de voyage de ces gens. Profitez de l'instant présent, de ce moment si unique. Apprenez, inspirez-vous et surtout partagez. Et bienvenue dans Feu de camp. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Feu de camp. J'espère que l'été s'est bien passé de votre côté et que vous reprenez votre quotidien de façon reposée et apaisée pour ceux qui ont eu la chance de partir en vacances. Peut-être êtes-vous parti avec votre famille, vos parents, un frère ou une sœur? C'est ce qu'a fait Calypso il y a quelques mois en partant à la découverte de sa tante inconnue qui vit en Inde. Habituée à découvrir le monde entre amis, elle était cette fois accompagnée de son père et de sa sœur, ce qui donne une dimension très différente au voyage. À elle de parler maintenant. Laissez-la vous plonger dans ce pays complètement démesuré qu'est l'Inde. Eh bien, je m'appelle Calypso. Je travaille dans le cinéma. Ce qui est assez merveilleux avec l'intermittence, du coup, c'est que je peux pas mal voyager, même si c'est pas facile de prendre la décision de partir et de manquer du travail. J'ai pas tellement voyagé quand j'étais petite, enfin seulement des espèces de petits road trips régionaux, on va dire, parce que justement on n'avait pas beaucoup les moyens. C'était toujours on prend la voiture et puis on voit, on va camper, on va dans les petites maisons dans le sud, voir de la famille, donc en France et puis aussi en Grèce, parce que j'ai quand même vécu en Grèce du coup pendant 6 ans. Mais du coup j'ai vu peu de pays en fait, jusqu'à mes 22 ans, je crois que c'était 22 ans, où là j'ai fait mon premier voyage toute seule, sans mes parents, financé par moi-même aussi, et c'était les États-Unis. C'était quand même 2 mois et demi de voyage. J'étais jamais partie plus de quelques jours, et en plus jamais très loin. Et là c'était vraiment l'idée de découvrir qu'est-ce que c'est que s'immerger dans un pays, une culture qui était quand même plutôt connue, évidemment les États-Unis, j'ai pas commencé par le gros dépaysement, mais rien que ça, juste... être loin de chez soi et comment on se comporte quand on est loin de chez soi et face à des gens qui n'ont pas tout à fait la même culture que nous. Et déjà, bah oui, les premiers questionnements qu'on a à chaque voyage, du coup maintenant, que j'ai à chaque voyage, à savoir qu'est-ce que j'apporte de moi, à quel niveau je dois m'adapter ou essayer d'influencer mon environnement, on va dire. Alors l'Inde, c'est marrant parce que c'était vraiment pas une destination en plus privilégiée. Enfin, on va dire que depuis, j'ai pas mal de rêves de voyage et dans la checklist, il y en a beaucoup. Et l'Inde était vraiment en bas de la liste, je pense. Mais voilà, il se trouve que la sœur de mon père est partie vivre là-bas quand elle avait une 20aine d'années et qu'elle n'en est pas revenue. Enfin, ça, c'est ce que dit la légende familiale. Mais ne l'ayant jamais revue depuis, quelque part, il y a une espèce de mythe qui s'est un peu auto-nourri autour d'elle, mais qui restait assez lointain, on va dire, et qui nous a pas plus intrigué que ça, d'autant plus qu'elle ne manifestait pas non plus son désir de nous connaître de son côté. Donc pendant toute notre jeunesse, on savait qu'on avait une tante qui était là-bas, mais ça s'est arrêté là. Alors je sais plus exactement comment c'est parti, mais on a dû en discuter avec mon père, de réaliser que moi j'ai un noyau familial qui est quand même assez restreint, à savoir que ma mère n'a pas de frères et sœurs, mon père a juste un frère que je ne connais pas non plus pour des histoires obscures, et une sœur, et souvent j'entendais mes amis parler de leurs tantes, leurs oncles, leurs cousins, etc. Et je me dis, waouh, il y a un truc à découvrir par là en fait, enfin, ça a l'air d'être un autre rapport à la famille que le rapport hypernucléaire aux grands-parents et aux parents. Et je me suis dit, il reste encore une personne à explorer, c'est ta tante, et en plus, ça pourrait être un beau voyage. D'autant que mon père, je le connais assez mal aussi, puisque mes parents ont divorcé quand j'étais assez jeune. J'ai l'impression que c'est un homme dont je connais très peu le passé aussi. Mais je me suis dit qu'au travers de ma tante aussi, je pouvais découvrir une partie de la vie de mon père et de ce pan de la famille qui reste assez, assez obscur. Et au moment où j'ai émis l'idée d'aller la voir, c'est là que mon père m'a dit « Écoute, je vais avoir 60 ans et je n'ai pas vu ma sœur depuis... une dizaine d'années, et je pense que ce serait l'occasion de faire le pas, quoi. Et du coup, ce qui était assez marrant, c'est que donc, je n'ai jamais eu de contact avec ma tante. Je lui avais jamais écrit, je lui avais jamais parlé, je savais même pas, je connaissais pas le son de sa voix. Et c'est vrai que il y avait quand même un pas à franchir avant d'aller là-bas, c'était de prendre contact avec elle. Et ça a été assez difficile. Enfin, j'ai vraiment procrastiné pas mal à ce niveau-là parce que je l'avais vraiment un peu idéalisé ce moment. Enfin, je me suis dit, c'est toujours ce moment de l'attente, ce truc juste avant où tout est encore possible. Et comme j'apprenais des petites choses par bribes à son sujet, c'était vraiment une espèce de silhouette très très floue dont j'allais petit à petit dessiner les contours comme ça. Et le premier coup de fil pour moi allait être un peu... quelque part décisif, alors que pas du tout, hein, bien sûr, mais je m'attendais à quelqu'un d'assez assez austère. Enfin, on m'avait dit qu'elle avait quand même là-bas une existence très, très sommaire, très rude, enfin, très plongée dans la méditation. Et j'ai découvert par téléphone quelqu'un d'assez lumineux, au rire assez éclatant, et c'était assez engageant en tout cas. Enfin, moi j'étais assez réjouie par ce premier coup de fil, et c'était drôle en même temps, parce que ça restait du coup simplement une voix pour commencer. Le jour du départ, on était très très très très fébrile avec ma sœur, donc on est partis tous les deux en avion. C'était un drôle de moment, parce que c'est vrai que cette personne, on n'en savait encore rien du tout. Ça, en plus de du pays en lui-même, donc et tout ce qu'on avait pu m'en dire avant. Donc voilà, c'était un peu un mélange de plein de choses comme ça, de plein d'émotions mêlées, où... puis on s'est dit, de toute façon, maintenant on est là pour vérifier par nous-mêmes, quoi. Et en plus que cette arrivée était assez particulière, parce qu'on est quand même arrivé à 3h du matin à Bombay, à l'aéroport, dans une espèce d'aéroport assez absurde, éclairé comme un casino à Las Vegas, et ce moment assez rigolo où, en n'ayant jamais vu ma tante, là, au milieu de la foule qui attendait les voyageurs, c'est elle, ouais. C'est un peu la copie conforme de mon père, mais avec des cheveux et une tenue de Sadou. Mais c'était là, une évidence. Et la première chose que j'ai vue, c'est ses yeux et son regard d'acier, vraiment. D'ailleurs, on ne savait même pas d'ailleurs comment il fallait interagir avec elle. Tu vois, on lui fait la bise, on lui serre la main. Ça a été rien, d'ailleurs. Ça a été un sommaire bonjour. Et il était 3h du matin, donc je pense qu'elle était surtout très, très fatiguée. Ok, on sait pas trop. Va falloir s'adapter, deviner et prendre le temps. Et c'est là qu'on l'a découvert dans sa tenue, donc de Sadou également, ce qu'on a découvert très vite, à savoir dans le taxi sur le retour. Ma tante est en Inde une femme sainte et qu'elle a donc ce statut très particulier qui est donc elle vit dans un ashram où les pèlerins peuvent se rendre. Pour chercher un espace pour méditer, juste trouver refuge pour quelques jours, voire semaines. Et donc une femme qui cherche donc un mode de vie associé à un renoncement, pas à la collectivité, mais un peu quand même, quoi. On va dire qui en tout cas passe plus d'heures de sa journée à méditer qu'à autre chose. Elle nous expliquait où elle nous emmenait, donc... Et ça, c'est pareil, ça allait être à peu près la même chose pendant tout le séjour, à savoir de... Alors, ce qu'on pensait être des amis, hein, mais qui n'étaient pas tout à fait des amis, mais enfin des connaissances à elle, en tout cas, qui l'héberge un peu partout dans la région. Bon, qui sont en fait, du coup, des dévots, qui ne sont pas que des amis. Donc, c'est des gens qui... s'achètent des points de karma, quelque part, un petit peu, on va dire ça comme ça. Donc, c'était un peu absurde, quoi, d'arriver dans cet appartement, en plus, hyper silencieux, fallait pas faire trop de bruit, à découvrir cette chambre, avec qui était très sommaire, mais avec déjà des petits une espèce de petit temple dans un coin pour les futurs rituels et on le savait pas encore, mais ça allait vraiment baigner notre quotidien. Les Indiens, et en tout cas ceux qu'on a fréquentés au travers de ma tante, sont quand même très très très pieux. Vers 8h du matin, donc on commence à entendre du bruit dans la chambre. Il y avait 2-3 personnes qui étaient en train de s'activer autour du lit. On se demandait s'il fallait qu'on réagisse ou non, on était vraiment pas très à l'aise. Et on entend que ça passe le balai, ça nettoie, ça commence à allumer de l'encens, on commence à sentir des odeurs, et d'un coup il y a une cloche qui sonne, mais très très fort. Et là, bon, bah, on se relève quand même, genre, oula, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, bah, ils commençaient à faire leur puja. Donc, les puja, c'est les rituels quotidiens de prière. Et on s'est dit, oh waouh, ok, très bien, ça va être comme ça pendant tout le séjour. Et c'était très drôle parce que vraiment, qu'on ait été là ou qu'on n'ait pas été là, ça aurait été la même chose, quoi. Et c'est marrant, c'est là qu'on a commencé à se poser des questions sur bah, leur rapport aux autres, comment ça se passe exactement, et plusieurs interprétations possibles, mais pour moi, ils sont tellement nombreux, ils sont tellement les uns sur les autres, etc., que y a pas, je pense que c'est pas comme du tout chez nous, où il n'y a pas ce souci du respect, de la tranquillité de l'autre, etc. C'est... oh bon, on est tous là dans le même panier, hein, de toute façon, hein, donc je veux dire, on fait avec, quoi. Bruit, pas bruit, odeur, pas odeur, peu importe, hein. On a fait d'abord 2-3 jours pour rejoindre son village. Elle avait vraiment envie qu'on s'acclimate comme elle l'a fait, je pense, elle, à l'époque, à savoir une immersion totale, quoi. Et donc, comment on fait dans la salle de bain, puisqu'qui ne ressemble pas aux nôtres. Donc, je veux dire, comment on se lave, comment on va aux toilettes, comment on mange, après, avec les mains, donc. Et puis, surtout pas la main gauche, sacrilège. Après, elle nous explique aussi pourquoi toutes ces choses-là, donc pour se rapprocher de la terre, pour, etc. Donc là, on découvre petit à petit aussi... sa spiritualité au travers du quotidien, donc c'était assez intéressant. Ses connaissances aussi, puisque là, on avait passé la première journée à Mumbai avec un autre sadhu qui est un ami à elle. C'est là aussi qu'on découvre le rythme indien, du coup, avec eux deux, où c'est pas le rythme du touriste, quoi. On n'est pas... on speed pas pour aller visiter tel truc. On y va doucement. Ouh là là, on y va doucement. Mais c'était chouette, c'est-à-dire que vraiment, en plus, on est rentré dans cette optique de vivre son quotidien, quoi. Moi, c'est comme ça que je le voyais vraiment, c'était de m'adapter à son rythme, à son énergie, et de... Ouais, pour essayer de voir à travers ses yeux aussi comment elle vivait là-bas, quoi. Et du coup, après, bon, on a sauté dans un train. Enfin, pas littéralement, mais il y en a qui font ça. Parce qu'ils roulent un peu avec les portes ouvertes, les trains, et c'est assez chouette. Tout le monde rentre pas, donc t'en as la moitié qui sont à l'extérieur sur les portières. Et on a filé là vers le... Bah, plus au nord... et au centre de l'Inde, dans une région qui s'appelle le Madhya Pradesh. Bon, en chemin, bon, bah, on a fait des petites visites, donc c'est ça qui était rigolo, c'est qu'on allait voir un peu des grosses, comme elle dit, des places touristiques. Et là, c'était assez drôle, parce qu'on sentait qu'elle se prêtait au jeu aussi de jouer à la touriste, parce qu'elle n'a pas fait ça depuis très longtemps. Elle nous disait justement, elle appréhendait aussi notre venue pour ça, à savoir que... elle sort très peu de chez elle, et là, elle devait se mettre en condition de « je fais un voyage, quoi, comme une touriste ». Puis elle s'amusait beaucoup aussi de nous voir interagir comme ça avec les gens, et de voir le décalage aussi, quoi. On n'était pas en opposition avec tout ce qui nous entourait, quoi. Qu'au contraire, on essayait d'accueillir ces choses-là, et souvent avec humour, parce que notamment, il y avait un temple de Shiva qu'on a vu à ce moment-là, où je me suis fait un peu réprimander à l'entrée du temple, parce que j'enlevais pas ma chemise. Parce que tous les hommes, en fait, doivent enlever leur chemise avant d'entrer dans un temple. Et comme j'ai les cheveux courts, qui savent pas ce que c'est, une fille avec les cheveux courts, ils étaient persuadés que j'étais un homme. Et donc, ils n'arrêtaient pas tous de malpaguer pour dire, genre, mais enlève ta chemise, enlève ta chemise. Bref, ça a été assez cocasse comme scène. Et c'est là qu'on a vu aussi les premiers... toutes ces choses qui, à la fin, au bout de 3 semaines, t'agacent un petit peu. Mais au début, tu découvres et tu dis, genre, ah ouais, dis donc... Ils sont comme ça. Et notamment les heures passées à parlementer pour la moindre chose, et ma tante qui était à chaque fois pour discuter un taxi, pour discuter un trajet, n'importe quoi, ils passent des heures à parlementer, et tu sais pas pourquoi, mais c'est pour le plaisir vraiment de la négociation et du « mais j'arriverai à obtenir ce que je veux en fait ». Moi ça m'embête parce que tu vois, si je veux parler des temps roulants, ça ça fait chaud, moi j'aurais bien aimé. Mais... En plus, ça fait chaud. C'est sympa, hein. voulais parler. Non, non. Qu'est-ce qu'on fait? Tant pis, il n'a qu'à ouvrir la porte. Hein. T'arrêtes en plein bazar. Waouh, les méchants, ils veulent faire ça. Allez, tu sais, आपको दोबारा याद दिला रहा हूं 12 तारीख याद है 12 तारीख याद है हां याद है Et comme nous, on comprenait pas, bah on restait à côté, puis on était là, genre... Ils ont l'air tout le temps de s'engueuler, en plus, non, je sais pas. Mais en fait, c'était... Bon, ça avait l'air normal, quoi, tout le monde faisait ça comme ça, donc... Et après, bah, on est arrivé donc, dans son village, et donc plus précisément dans son ashram, qui était vraiment un petit bout de paradis au bord de la Narmada, au milieu d'une espèce de jardin hyper luxuriant, enfin, c'était magnifique, quoi. Et là, à partir de là, bah, c'était justement... passer une dizaine de jours, un petit peu moins, à vivre son quotidien, quoi. Alors son quotidien, j'ai essayé de le suivre au début, mais c'était pas possible, parce qu'il commençait à 5h du matin, et ça j'étais pas prête du tout, mais genre pas du tout. C'était beaucoup de temps de méditation, hein, donc ça se passait principalement dans ses gouffas, elle appelle ça gouffa, ça veut dire grotte, et donc en fait elle a deux endroits comme ça, sous son ashram, en fait, où elle passe des heures à méditer. Alors, j'ai essayé de lui demander ce qui se passait à ce moment-là, quand elle médite, mais bon, c'est très compliqué à verbaliser, je pense, et c'était assez difficile à comprendre, et c'est là que j'ai réalisé que l'hindouisme, c'est un sacré morceau de religion, et qu'en fait, ils ont un peu chacun leur vision de la chose, sachant que c'est une religion tournée vers soi, tournée vers... ou dans l'idée, c'est... puisqu'on ne peut pas changer le monde, il faut apprendre à changer son rapport au monde, donc son intériorité. Chacun son hindouisme, j'ai envie de dire. Et à part ça, ce qui m'a troublée, c'est que du coup, effectivement, ces journées ne sont pas animées de grand-chose, hein, à part les visites, évidemment, qu'on lui rend, et les chais interminables dès qu'on a un nouvel hôte qui arrive. D'autant plus que là j'ai aussi découvert qu'elle avait des domestiques à son service, hein, donc ce qui était un peu surprenant pour moi, sachant voyant qu'elle était quand même elle vit dans un certain dénuement, mais il y a quand même des personnes qui sont à son service pour s'occuper de la cuisine, du quotidien, quoi, d'une maison. Voilà, nous parfois ça nous a un petit peu choqués, on va dire, quand même, parce qu'on n'est pas habitué à ça, tout simplement, enfin, que on pense que on est quand même censé chacun un peu s'occuper de soi. Et aussi parce qu'elle avait une manière de leur parler qui était un petit peu limite, quoi, où vraiment j'ai l'impression d'avoir des relents de 19e siècle. Mais, et à côté de ça, sinon, elle passe beaucoup de temps à aller rendre visite dans des conventions, dans des villages où elle est appelée pour distribuer les bonnes ondes. Et les chakras, quoi. Et ça donne des séquences assez improbables. On s'est retrouvés, même nous, embarqués sur scène, et ça a été complètement absurde, parce que, bon, on avait l'habitude de la voir, justement, se faire adorer, donc. Donc, à savoir qu'ils lui mettent une petite trace sur le front pour le bindou, je crois que ça s'appelle. Le collier de fleurs, la noix de coco, et puis le petit billet. Et il se trouve que, comme nous, on est blanches, on a eu droit au même traitement de faveur plusieurs reprises. Donc là, on a découvert aussi le problème lié à ça, à cette espèce d'idéalisation de la race blanche, qui donne lieu à des scènes assez absurdes où les gens te prennent en photo dans la rue à n'importe quel moment, et te demandent d'ailleurs rien d'autre que genre photo, et repartent aussi vite. Enfin bon, ça... Tout ça mêlé, entre l'aspect un peu domesticité, zèle à notre égard, et idéalisation de la couleur blanche, que heureusement, je trouve, on a réussi, enfin j'espère, un peu à dépasser, justement, en passant du temps avec les gens là-bas. Notamment, ces... Je sais pas comment les appeler, quoi, ces domestiques, on va dire, où on avait vraiment envie d'instaurer un autre rapport avec eux, quoi, et d'échanger, et notamment sa cuisinière Kavita, qui était vraiment une femme mais incroyable, qui avait un sourire mais dingue, et avec qui on pouvait pas faire grand chose, mais je pense qu'elle avait senti que dans notre envie de communiquer, on essayait d'établir autre chose, et une ou deux fois on a essayé d'échanger comme ça. Je me souviens, avec ma sœur, elles ont essayé de faire des dessins dans le sable pour essayer de se comprendre, ou après on a essayé de se faire des petits dessins ou de s'écrire deux trois trucs, et Et c'était trop mignon, quoi. Et bon, jusqu'au moment où j'ai compris qu'elle avait 32 ans et qu'elle avait 3 enfants, dont un de 15 ans. Là, ça nous a bien calmés. et c'est là qu'en même temps, ça a été hyper beau, parce qu'on s'est dit... On avait vraiment eu l'impression, à la fin des 10 jours, d'avoir créé un lien quand même avec elle, sans avoir pu échanger tant que ça, quoi. Le rapport aux femmes, quoi, ça, c'était un truc... c'était quand même un gros sujet, hein. Et ça a été assez dingue, d'ailleurs, d'en parler avec ma tante et de voir qu'elle se rend pas compte qu'il y a des choses qui sont pas normales, en fait. Et quand elle en parle, on dirait qu'il y a une forme de fatalisme, donc elle trouve ça horrible, mais bon, sans plus, quoi. Donc quand elle me parle des femmes battues et des femmes surtout dont on ligature les trompes quand les maris veulent continuer à en profiter mais veulent plus avoir d'enfants, elle m'en parlait comme si, je sais pas, on les opérait de l'appendicite, quoi. Enfin, c'était un peu... Je me suis dit, mais tu te rends compte ou pas? Et en fait, elle en a pas du tout conscience, quoi. Parce que elle a évolué dans un tel degré d'élévation spirituelle que, ces choses-là, elle y connaît rien, en fait. Ouvre les yeux. Enfin, je veux dire, si, c'est un fait. Puis c'est connu. Puis c'est chiffré. Mais c'est marrant parce que je l'ai appris là-bas quand on m'a dit que l'Inde était le premier pays où il y avait le plus de viols au monde. Ça nous a calmés. Quand on est parti se balader la nuit dans le village, on a fait « Oh, je sais pas, peut-être pas toutes seules, toutes les deux, là, comme ça. » Le regard des hommes, faut savoir le prendre, quoi. Globalement, on était quand même pas trop découvertes, mais même rien que le fait qu'on soit blanches, on est déjà des cibles en soi, quoi. Enfin, en tout cas, un centre d'intérêt certain pour les hommes, quoi. C'est pas évident, quoi. Mais ça, elle voulait pas le comprendre, quoi. Ça, elle voulait pas... Et j'ai envie de discuter un peu plus avec elle sur ce sujet, mais j'en ai trop parlé d'ailleurs, apparemment, à la fin, elle en avait un peu marre, mais elle avait envie de parler d'autre chose. Elle avait surtout très envie de parler de spiritualité, parce qu'elle avait... J'ai compris à la fin du voyage qu'elle aurait aimé que je me lance moi-même dans mon voyage spirituel, mais j'étais genre, non. C'était pas mon but, en tout cas, du voyage. Mais voilà, et même au-delà du statut des femmes en Inde, et même tout ce qui est question sociale, c'est... Voilà, ça lui passe au-dessus, mais... complètement, quoi. Alors le truc, c'est que je pense que j'ai une vision de l'Inde quand même très très étroite au final, parce que je l'ai vraiment vue au travers de son prisme à elle, qui est celui d'une femme recluse, quoi. Donc je me rends pas compte de ce qu'est l'Inde à côté de ça, quoi. Mais voilà, il y a eu notamment ce débat sur le nouveau Premier ministre. Enfin, Modi est très conservateur. Et elle le soutient à 100%. Et justement, son ami a essayé d'avoir un débat avec elle à ce sujet. Et il lui a dit, mais est-ce que tu sais pourquoi tu le soutiens, en fait, exactement? Est-ce que tu es au courant, en fait, des lois qu'il a fait passer? Pas du tout. Elle est au courant de rien. Et en plus d'une islamophobie, hyper violente. Et ça, je crois que c'est un des premiers sujets qui nous a un peu, sur lesquels on s'est un peu braqué avec elle rapidement. C'est qu'effectivement, hindou et musulman, ça passe pas du tout là-bas, quoi. Et ça c'est ancestral, hein, ça date depuis toujours, mais c'est vrai qu'on se dit que ça peut avoir évolué, et en fait, pas du tout, pas du tout. Enfin, après, bon, il y avait tous les autres sujets de société, enfin, c'est qui nous occupent, nous, follement, occidentaux, et qui, là-bas, n'existent pas, quoi. Notamment la pollution, enfin... eux, quand ils font des déchets, ils font des petits tas, quoi, qui brûlent. Enfin, voilà, et pour eux, c'est c'est comme ça. Ils sont dans le déni de la pollution des fleuves, enfin, tout ça, je veux dire, parce que c'est sacré, on n'a pas le droit d'en parler, donc voilà, comme ça, on se voile la face, et puis on laisse ces sujets bien de côté. Et qui, elle-même ne la touche pas trop. Il y a ce côté fataliste, en fait, qui revient en permanence de l'hindouisme, de « je ne peux pas changer le monde, c'est mon intériorité que je peux faire évoluer ». Ça n'a pas été évident de créer un lien avec ma tante. C'est quelqu'un de pas très, très sensible, on va dire, à l'autre. Elle n'avait pas envie de nous poser de questions sur nous pendant longtemps. On avait l'impression que même quand elle posait une question, c'était presque par pure politesse et que la réponse ne l'intéressait pas tellement. Ça a été un peu un running gag avec ma sœur parce que dès qu'on essayait de parler d'un truc qui nous intéressait mais qui la touchait pas finalement... elle partait. Enfin, elle était là, mais son esprit n'était plus là. Et elle nous écoutait pas. Enfin... Mais bon, donc, on s'y est faite, finalement. Et puis, je me suis un peu rapprochée d'elle par défaut, à un moment, parce que, avec mon père, quand il est arrivé, parce qu'il est arrivé plus tard, en fait, lui, il nous a rejoints. Retrouver mon père, ça a été compliqué, en fait. Ça, c'est... parce que justement les dernières fois où je l'avais vu, bah, c'était chez lui au Texas, dans son univers. Et c'est vrai que j'avais un peu idéalisé ce moment aussi, quoi. Enfin, on l'avait quand même un peu rêvé, quoi, ce voyage ensemble. Et aussi, bah, j'ai découvert un autre homme, quoi, en fait. En voyage, on ne sait pas finalement. Est-ce que ça révèle qui on est ou ça nous transforme? Je pense que ça dépend des gens, quand même. Lui, je suis pas sûre de savoir d'ailleurs, au final, ce que ça a eu comme impact sur lui. Mais en tout cas, c'était pas lui. J'étais heureuse de le retrouver. J'ai quand même retrouvé des choses de lui qu'on a pu partager, mais. Il y a eu quand même ce moment où je me suis dit mais t'es pas l'homme que j'attendais, quoi, en voyage. T'es pas celui que je voyais un peu fou de la découverte, de la rencontre avec les gens. Après, pour être honnête, on était un peu contente qu'il arrive parce que justement on passait un peu tous les caprices de ma tante parce que justement on voulait pas la brusquer, on savait pas trop comment réagir par rapport à certains trucs. Et on s'est dit que bon, bah, c'était son frère qui allait débarquer, ça allait remettre un peu un petit coup de pied dans la fourmilière, et voilà. Parce que le coup de pied a été un peu violent, et en fait, il n'était pas du tout prêt à s'adapter comme nous, on l'avait fait. Chez ma tante, on mangeait par terre. Mon père, hors de question, quoi. Quand mon père est arrivé, bah, on a sorti des chaises. Ce qu'on n'avait pas fait avant qu'il arrive. Donc c'était un peu là, l'homme qui débarque avec ses sabots et qui impose un peu son style de vie aussi, quoi. Même si nous, on était quand même arrivés à un point un peu limite de l'adaptation, je pensais que ça allait un peu relancer quelque chose. Au contraire, d'avoir un œil neuf sur ce à quoi on commençait à s'habituer, voire à se lasser, comme la nourriture qui est hyper bonne, mais bon, qui est quand même un peu répétitive. Lui, au bout de 2 jours, c'était fini, hein. il avait ses exigences et il fallait les suivre, quoi. Et du coup, bah, j'ai senti que ma tante était déçue à ce niveau-là, parce qu'elle avait envie de renouer avec son frère, de recréer un lien. Et comme, bon, bah, ça me... Bon, j'étais pas super ravie de son comportement à lui, bah, je me suis un peu rapprochée d'elle, quoi. Parce que j'ai senti qu'elle avait encore envie de partager des choses, et moi, j'étais toute prête à les accueillir. Donc, je me suis un peu plus rapprochée d'elle. Mais après, je pense que c'est aussi parce que c'était ce pays-là. Si on aurait été un autre, ça serait peut-être pas passé comme ça, quoi. S'il avait été plus dans une culture un peu moins extrême, moins éloignée de son quotidien aussi, ça aurait été. Après, voilà, il se trouve que je suis quand même partie avec des sacrés tempéraments, quoi. C'est ça que j'avais pas du tout anticipé, c'est que ce soit ma tante, qui était hyper compliquée, dont il fallait gérer les caprices, mon père, bah, qui avait les siens aussi, et qui n'étaient pas les mêmes. Et puis ma sœur par-dessus, oupla. c'était pas évident à gérer, quoi. Je me suis un peu retrouvée en arbitre, quoi. C'était vraiment... Putain, là, c'est à qui le tour? Voilà, après, c'était juste une espèce de joyeuse troupe qui a pris la route ensemble vers le Rajasthan. C'était un soulagement de... Enfin, soulagement, pas excessif, mais c'était quand même réjouissant, quoi. On va dire qu'on sentait qu'il y avait un nouveau départ dans le fait de prendre la route pour le Rajasthan, même si en fait on avait vécu quelque chose de très très chouette avant qu'il arrive, et je pense que c'est ça qui est dommage aussi, que mon père n'ait pas vu. C'était la fête de la Narmada, qui était quand même un moment assez incroyable. Ma tante était plus ou moins dans les préparatifs au moment où on est arrivé, et c'était un peu le climax du séjour, à savoir cette journée donc, qui était consacrée à la rivière, avec donc une puja qui a duré 2 heures autour de la rivière, avec des fleurs qui étaient jetées dans le fleuve. Enfin, c'était assez beau et fascinant, là encore, pendant des heures, avec un maître spirituel qui a scandé pendant de longues, longues, longues minutes les 2000 noms de la Narmada. Enfin, c'était... Il se trouve que parmi les rituels de cette fête, on honore les jeunes vierges qui vivent dans les villages autour de la Narmada. Donc l'ashram, c'était la fête. Il y avait 80 jeunes filles qui étaient venues pour qu'on leur offre des cadeaux, pour manger. Il y avait de la musique. Enfin, c'était un truc énorme, quoi. Chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak chamak cham un super beau moment de vie et où, en plus, comme on a vécu les préparatifs avec eux, c'est là qu'on a pu faire des choses, on a vécu des choses, quoi, vraiment, avec les gens du village et de l'ashram, et notamment les jeunes qui venaient tous les soirs, d'ailleurs, de la semaine, faire la puja avec ma tante, et qui étaient là pour le rituel de la Narmada, du coup, et notamment le soir, on a recommencé avec cette espèce de jetée de bougies, comme ça, dans le fleuve, qui était hyper beau, et toute la Narmada qui était illuminée, parce qu'il y avait des gens tout le long des 2000 km, je crois, que font ce fleuve, enfin, on faisait le même rituel en même temps. Et donc, on a même fait un peu de musique avec eux, on chantait avec eux, enfin, c'était... ça, c'était hyper chouette. Enfin, moi, j'ai vraiment aimé faire les préparatifs avec eux et vivre tout ça. Et quand on est parti, enfin, il y avait en même temps cette joie de recommencer un peu le voyage en partant. Et aussi, ce sentiment assez doux d'avoir créé des liens, quoi. Et les jeunes filles, notamment, justement, qu'on voyait quasiment tous les jours, qui sont venues exprès pour nous dire au revoir... nous saluer et chanter cette puja qu'on a entendue mille fois pendant une semaine, puis même les adieux avec Evita, la cuisinière, là, enfin, ça a été déchirant. Moi, elle a pleuré, j'en ai pleuré, enfin, c'était hyper émouvant, quoi. On lui a laissé un Polaroid, on a pris un petit selfie Polaroid comme ça avec ma sœur et elle, et c'était hyper émouvant, quoi. Enfin, c'était fou parce que c'est des gens avec qui on n'avait pas eu forcément de contact physique, et quand elle m'a prise dans ses bras en partant, enfin, c'était hyper émouvant, et sachant en plus qu'on est vraiment pas sûr d'y retourner, quoi. Donc il y avait cette dimension d'adieu qui était hyper belle, quoi. Et donc portée par ça et par l'inconnu qui nous attendait, c'était un beau tournant, quoi, c'est sûr. Ouais. Prendre la route et voir ce qui allait nous arriver dans cette espèce de Boléro, qui est une voiture néocolonialiste, genre une Jeep blanche avec des petits rideaux blancs, c'était ridicule, mais on avait la classe sur la route, et ça a donné des séquences familiales assez absurdes, quoi. C'est ça qui est drôle, enfin, c'est que moi j'ai pas fait de voyage de famille depuis que je suis petite, en fait, et c'est la première fois que j'en faisais un avec, on va dire, la possibilité de m'exprimer en tant qu'adulte aussi sur le déroulé du voyage. À ce moment-là, ça pouvait être un peu dur. Maintenant, je trouve ça juste cocasse quand j'y repense, quoi. C'était vraiment les prises de tête débiles dans la voiture avec le GPS, le machin. La mauvaise foi du père qui s'est endormi et qui n'a pas du tout regardé le GPS. Genre, mais tu t'es trompé, mais qu'est-ce que... ça a donné un peu du grand n'importe quoi. Et après, même quitter la Narmada, ça a été un drôle de moment. Parce qu'on l'a longé pendant quelques jours encore. Et après, du coup, on remontait vers le Rajasthan. Donc déjà, c'était beau de découvrir un autre point de vue de cette rivière. Ça, c'était hyper chouette. Et on a eu l'impression d'avoir quand même cette espèce de fil conducteur aquatique qui nous a suivis pendant un petit moment. Et puis après, on est parti du coup vers le Rajasthan et vers d'autres un peu d'autres paysages déjà, et un peu plus de touristes aussi d'ailleurs. C'est ça qui nous a fait un peu bizarre de replonger dans le voyage presque un peu traditionnel, quoi, où... du coup, elle avait envie de visiter, elle aussi, nous faire visiter des endroits qu'elle avait découverts il y a quelques années, qui étaient très beaux, c'est vrai, mais qui sont dans le circuit touristique, je pense, globalement, de l'Inde du Nord. Et c'était chouette de découvrir avec eux autant ces endroits, finalement, de l'histoire de l'Inde, parce que ça, c'était aussi un truc... Enfin, moi, quand je voyage, je sais que c'est un truc qui m'intéresse aussi, et c'est pour ça... C'est aussi souvent comme ça, d'ailleurs, que je choisis mes destinations, c'est que je sais que j'ai envie d'apprendre quelque chose en plus de... Au-delà de la culture, c'est de l'histoire d'un pays, comment un pays a traversé le temps, parce que souvent, c'est des pays qu'on connaît pas, enfin, qui arrivent dans nos livres d'histoire très très tard, quoi. En général, maintenant, c'est le 20e, quoi. Je veux dire, on entend parler avec en 48, c'est ça, 48, je crois, l'indépendance de l'Inde, mais sinon, avant, c'est des pays, on a l'impression qu'ils n'existent pas, quoi. On a une espèce de mythe, comme ça, on imagine, on voit des maharajas, des trucs, mais on sait pas trop ce qui se passe. On s'est rendu compte que eux, par contre, les guides, ils en ont rien à faire de l'histoire, quoi. C'est vraiment... ils balancent des dates et des faits. Ils savent que les touristes en sont friands, alors ils sont pas toujours très vérifiés, du coup, on n'est pas trop sûr de ce que c'est, mais c'est marrant, parce que aujourd'hui, je pourrais aller vérifier dans les livres d'histoire, hein, ce qui s'est vraiment passé, mais c'est vrai que ça a presque son charme, quoi, qu'on sache pas trop, quoi. Quand ils disent 16 000 femmes se sont jetées dans le feu à l'arrivée des musulmans, ils disent, ah ouais, 16 000, enfin, vraiment. Enfin, voilà, et c'est marrant, parce qu'il nous reste comme ça des bribes de légendes qui nous ont été racontées, des choses comme ça, et ça c'est ce qui fait un peu le sel du voyage aussi, quoi. Enfin, pour nous, enfin, pour moi, c'était vraiment des trucs chouettes quand même. Hein. Enfin, en fait, là où on était un peu dubitatif, c'est simplement que on a vu au fur et à mesure des visites que ils n'ont pas du tout la même conception de la mémoire, du, enfin, nous, ce qu'on appelle vulgairement le devoir de mémoire, mais même juste la mémoire, en fait, et du rapport à l'histoire, et notamment dans l'entretien du passé, même. Les musées, c'est... On sait pas comment ils tiennent encore debout, quoi, même. Enfin, à part, je pense, les plus gros temples, les plus gros forts, etc., qui drainent énormément de touristes. Mais même ça, oui, un des endroits qu'on a préféré, c'était Bundi, Rajasthan. Et il y a un palais, justement, qui est assez incroyable, parce qu'il y a la chambre de la reine, qui est recouverte. Les murs sont recouverts de fresques. Ils sont hyper raffinés, un camaïeu de bleu qui est assez dingue. Et il y a aucune protection. Il y a rien. C'est vraiment, genre, tu pourrais mettre tes doigts dessus. Et tu sens que c'est pas du tout rénové, parce que, bah, il se trouve que là, en plus, ils sont... Enfin, je sais plus, ils ont des problèmes d'héritage, apparemment, dans la famille. Mais c'est vrai que tu te dis... Du coup, t'as l'impression de vivre des moments précieux, un peu, parce que tu sais pas combien de temps ça va durer. Hein. Enfin, combien de temps ces monuments vont être là, dans cet état-là, parce que le temps va passer dessus, et t'as l'impression qu'il y a personne pour les entretenir et pour les sauvegarder, quoi. Ouais, Rajasthan, c'est marrant, parce que c'était vraiment la partie presque voyage traditionnel, quoi. C'est marrant, parce qu'en relisant, du coup, un petit peu mon carnet de voyage, je vois vraiment la scission, quoi, des deux parties du voyage. Et au final, c'était hyper réjouissant de partir comme ça, découvrir cette région de l'Inde qui est hyper belle et qui est assez folle. Mais en même temps, on est retombé un peu dans des villes. Enfin, donc c'était vraiment autre chose. Bon, on a été malade en plus, donc voilà, ce qui devait arriver arriva. Mais au final, je me rends compte que du coup, j'ai un souvenir beaucoup plus vif et tendre, on va dire, presque, pour la partie, on va dire, moins commune du voyage, quoi, qui était vraiment cette partie où on était, où on a vécu, en fait, le quotidien. Plus que, on fait la route, on s'arrête quelque part, on visite, on reprend la route, on s'arrête, etc. Qui est une forme de voyage qu'en plus, j'aime beaucoup, quoi, mais... C'est-à-dire que être à la fois dans j'arrive quelque part, j'ai envie d'un peu tout voir, et en même temps s'arrêter chez le copain Sadhu pour aller prendre le chai et se regarder dans le blanc des yeux, ça s'y prêtait moins. Mais du coup, il y avait plus ce truc un peu joyeux de où est-ce qu'on va ensuite, où est-ce qu'on va manger ce soir, où est-ce qu'on va pouvoir atterrir, qu'est-ce qui va nous arriver. Quand même des surprises un peu du voyage, forcément. C'était un peu plus... C'était forcément... Ouais, c'était peut-être un peu plus léger par rapport, en tout cas, à tout ce qui était hindouisme, immersion dans la religion... Mais on s'en éloignait jamais vraiment, hein, quand même. On était toujours, justement, parce que c'était un peu le débat éternel, c'était visiter un fort ou visiter un temple, quoi. Et à chaque fois, c'était un peu... On a vu assez de temples, non ? Là, je crois qu'on a compris un petit peu... on a compris à quoi ça ressemblait, non ? Même si j'avais l'impression d'en avoir discuté avec eux avant, au final, moi, j'étais vraiment dans l'optique du voyage. Je suis ma tante, je me laisse porter, j'ai pas d'attente sur ces 3 semaines. Donc, je veux dire, je verrai ce qu'elle a envie de me montrer. Là où ma sœur n'était en fait pas du tout prête pour ça, en fait. Et je la comprends en même temps. Enfin, tu vois, elle part en voyage, elle n'a pas fait beaucoup de voyages non plus. Elle a envie de voir des choses. Et je pense que c'est là qu'on était peut-être pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Moi, j'avais envie de vivre des choses, enfin... Et puis je me suis laissée un peu emporter par le truc aussi, tu vois, forcément, j'ai sorti mon petit routard discrètement, et puis de temps en temps, j'étais genre, qu'est-ce qu'on pourrait aller voir ? Plusieurs fois, je me suis projetée, j'ai essayé de me dire, genre, c'est vrai qu'au départ, ce voyage, tu voulais le faire toute seule. Et qu'est-ce qu'il aurait été, ce voyage, toute seule ? Mais du coup, moi, je pense simplement que c'était une super belle manière de le vivre, parce que c'était quand même génial d'avoir pu créer ce moment avec mon père et ma sœur, quoi, aussi. Parce qu'elle appréhendait de le revoir... Jusque-là, ils n'avaient jamais réussi à se revoir. Ça faisait 10 ans, je pense, qu'ils ne s'étaient pas vus. C'était juste inespéré d'avoir pu créer cette occasion. C'est vrai qu'on a essayé d'évaluer le temps qu'il nous avait fallu pour devenir des habitués, on va dire. Pour que ce qui au départ était l'exception devienne l'habitude, quoi. Et donc à savoir sur la route notamment, enfin je veux dire, on était forcément complètement fascinés par, je veux dire, c'était travelling sur travelling, sur toujours plus de beauté, de sari, enfin c'était une fascination permanente de prendre la route en Inde, ça c'est sûr. Et à quel moment, genre, c'est devenu banal? Et c'est vrai que c'est ce moment où tu te dis, là je pars, et j'aurais pu ça. Ça va faire bizarre, non? Et c'est incroyable parce qu'on se déshabitue vite. Hein. parce que une fois que tu retrouves ton quotidien, enfin une fois que tu remets le pied chez toi, t'as... Enfin moi j'ai cette impression-là, après chaque voyage, et celui-là je pense que c'est encore plus frappant étant donné le décalage qu'on a vécu, décalage culturel, faussé même, c'est de se dire... Et d'un coup, en fait, tu reprends tes habitudes comme si de rien n'était. Et tout ça paraît d'autant plus lointain, voire imaginaire. Et c'est créer cette espèce de parenthèse gigantesque où, genre, qui coupe en fait les deux mondes, quoi, qui crée vraiment cette rupture où en fait le... Ah, il m'est arrivé tout ça quand même pendant 3 semaines. Mais ça me paraît déjà si lointain, c'est fou. Et franchement, oui, quand on est arrivé à l'aéroport... Enfin, moi, j'étais un peu sonnée, je crois, à ce niveau-là. Il y avait quand même une forme de soulagement. Parce que 3 semaines, c'est intense. Hein. 3 semaines d'Inde, c'est... Surtout cette Inde-là qu'on a vécue, c'était quand même très intense. Et je crois qu'on était... C'est là qu'on s'est vraiment formulé ça toutes les deux avec ma sœur. On s'est dit, c'est quand même bon de savoir où c'est chez soi. Et en fait, c'est hyper précieux de rentrer chez soi avec tout ça. Avec tout ce qu'on a vécu et c'était le bon moment pour rentrer aussi. Ne pas se lasser, quoi, non plus, ne pas... du voyage et tout ça. Mais je pense que c'était pas tant l'Inde en soi que le voyage de groupe, quoi, où on a envie de se retour un peu à la... retrouver un peu d'intimité. La promiscuité permanente, quoi. Parce qu'on était vraiment quand même tout le temps, tous les quatre ensemble, quoi. Parce que voilà, j'avais pas non plus l'habitude de voyager avec des gens plus âgés, quoi. Enfin, j'ai toujours voyagé avec des gens de mon âge et c'est vrai que c'est un peu, il y a un moment, t'as envie de retrouver ta vie de jeune, entre guillemets. Enfin, et d'autant plus que, on s'est sevré d'alcool pendant 3 semaines aussi. Hein. Enfin, je veux dire, on a. Bah oui, mais quand même, c'est long. Enfin voilà, on a vraiment adopté un mode de vie, quoi. Donc ça, il était temps de rentrer aussi pour retrouver un peu les fêtes parisiennes et nos habitudes de fêtardes. Voilà. Quelque part, on a vécu hein, l'élévation spirituelle. Hein. On n'a pas été impur. Hein. On a été impur autrement parce que j'ai eu mes règles pendant le séjour et ça, j'ai appris que c'était de mauvais goût, mais bon, j'étais interdite de cuisine à ce moment-là. Je crois que c'est un des premiers messages que j'ai envoyé en rentrant à des amis, c'était de dire. Waouh, c'est peut-être pas parfait chez nous, mais je suis contente d'être une femme indépendante dans mon pays, quoi. C'était... Ça, vraiment, je me suis dit, genre... Waouh, j'ai pas à me justifier, j'ai pas à rester à l'extérieur du temps parce que j'ai mes règles, j'ai pas... Enfin... C'est bon de rentrer avec tout ça en tête, mais c'est bon de rentrer, ouais. Bah, dire au revoir à mon... C'est ça qui est étrange, hein, c'est que dire au revoir à mon père et à ma tante, bah, ça a pas été très difficile, hein, finalement. C'est-à-dire que, bon, on a quand même passé 3 semaines ensemble, et... Mais comme ça a pas été idyllique... non plus, ça s'est fait assez naturellement. Enfin, on a passé de bons moments ensemble et voilà, il est temps que chacun reparte de son côté, vive son quotidien. Je veux dire, ma tante, je la connaissais pas avant, on n'a pas tissé des liens, donc d'une tendresse infinie. Mon père, bon, bah, ça fait depuis mes 11 ans que je le vois tous les 5 ans, on va dire, enfin, j'exagère un peu. C'était l'ordre des choses, dans l'ordre des choses, quoi. Même le dernier soir, c'était assez ça. Dans mon souvenir, c'était vraiment paisible. On passait cette dernière soirée au Daipur, on s'est posé dans un resto, on mangeait notre dernier thalis, c'était notre dernier... la dernière fois, et on sentait que, voilà, c'était... Il y avait une conclusion qui était en train de se faire, et que c'était beau, que c'était le moment. Là où je suis quand même assez, assez contente, c'est que grâce à elle, du coup, je suis allée vers un pays qui m'aurait jamais attirée autrement. Et j'ai l'impression que ça m'a amené au moins cette richesse-là, quoi, de découvrir ce pays-là, qui m'a fait autant réfléchir sur leur culture que sur la nôtre, d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup parlé de d'aliénation et tout ça, mais je veux dire, ce qui nous a aussi amené à penser la nôtre, enfin, forcément, et à se dire que on n'a pas les mêmes divinités, mais on a quand même de sérieux problèmes aussi en Occident, et que notre hindouisme, pardon pour la comparaison, mais c'est un peu notre capitalisme, quoi, et que, je veux dire, nous, on est aveuglés par notre consommation, enfin, voilà, on est des êtres humains de part et d'autre de ces océans et de ces continents, et si on est choqué par certaines choses chez eux, on peut peut-être aussi penser les choses chez nous, et là où on est un peu habitué à nos modes de vie, ben, c'est pas... ça t'amène aussi à les remettre en question. Et ça, c'est une des plus belles choses à retirer du voyage, quoi. Enfin, je trouve, ouais. Même quand j'étais allée aux États-Unis, par exemple, j'avais eu cette impression de franchir le papier glacé, quoi, du magazine ou de l'écran de cinéma, et c'est ça, quoi. C'est vraiment entrer en friction avec le monde, en fait, le monde réel, et de voir ce que c'est au-delà de la fiction, pour moi, parce que c'était mon premier moyen de locomotion avant que je prenne l'avion et que je voyage un peu de part et d'autre au-delà de la Grèce et de la France. Et par ces frictions, bah, de à la fois remettre en question sa connaissance du monde extérieur et de son propre monde à soi, quoi. Tout ce qu'on ramène du voyage, c'est en vrai, c'est ce qu'on n'avait pas prévu et qui nous a amené à réagir, à nous adapter, à être confrontés à nos propres réactions dans des situations qu'on n'avait pas anticipées. Et c'est ça qui est le plus fort. Un immense merci à Calypso pour la sincérité de son témoignage. Feu de camp reprend ses bonnes habitudes. Place au conseil culture. Pour commencer, elle vous recommande la lecture du premier roman de Carole Martinez, Le cœur cousu, qui vous plonge dans l'histoire de Frasquita, une femme réputée sorcière qui révèle ses dons à travers les vêtements qu'elle coud ou les objets qu'elle brode. Après avoir été jouée puis perdue par son mari suite à un combat de coq, elle se retrouve en errance à travers l'Andalousie, accompagnée des jeunes filles à qui elle transmet son savoir. Ensuite, Calypso met en avant le film canadien « La femme de mon frère », réalisé par Monia Chokri, sorti récemment. C'est l'histoire de la relation fusionnelle entre Sophia et son frère Karim, qui se retrouve mise à l'épreuve lorsque ce dernier tombe amoureux d'Héloïse, la gynécologue de Sophia. Enfin, Calypso vous conseille de visiter ou revisiter le musée d'Orsay, pour y découvrir le mouvement Nabi, regroupé autour de Paul Sérusier. C'est un mouvement post-impressionniste d'avant-garde, en marge de la peinture traditionnelle de l'époque. Tout démarre par une œuvre de Sérusier, le talisman, l'avant au bois d'amour, peinte en 1888 et qui sera sujette à controverse. Rendez-vous sur les réseaux sociaux de Feu de camp pour plus d'explications. Merci à Calypso d'avoir accepté de se dévoiler dans Feu de camp. Merci pour ce joli moment de partage. N'hésitez pas à retrouver des bonus sur les réseaux sociaux de Feu de camp, Instagram et Facebook. Et surtout, si l'émission vous a plu, parlez-en autour de vous. À bientôt pour un nouveau Feu de camp.